cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Man yulakhis mas'alat lazim al-qawl. لازم قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لازم حق بقيد إذا صح أن يكون لازما إذا صح أن يكون لازما أي si c'est vraiment لازم من هذا القول هذا حق أما قول نعم أي إذا التزم بهذا اللازم ورضيه وقبله هذا من قوله متى ما يكون اللازم قول هذا الشخص نعم إذا أنكر هذا اللازم إذا ذكر له اللازم فامتنع هذا ليس بقوله بقي عليكم السلام بقي مسألة لا يذكر هذا اللازم لهذا الشخص فماذا لهذه الحالة ليس من قوله لماذا نعم لكن هو الآن اللازم لمسكوت عنه فقد يلتزم به فلماذا ليس من قوله لأنه يحتمل أحسنت يحتمل أن يرضى بهذا اللازم أو يعني ينكره فعلى هذا on a dit d'après la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah أنه ليس من قوله وهذه المسألة on l'avait détaillé أمس ولله الحمد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القاعدة الخامسة أي on est toujours في قواعد الأسماء قواعد في أسماء الله عز وجل قال أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها هذه قاعدة مهمة جدا وتقدمت معنا في مقدمة اللمعة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها توقيفية سبيل الوقف وتجقف أي ستوب أغطوا أسماء الله تعالى توقيفية أي لا يجوز إثبات شيء من أسماء الله عز وجل إلا بدليل من كتاب أو من سنة ستب الدليل تغط لماذا؟ لأن هذه الأمور من مسائل الغيب Ça c'est des choses de l'invisible. T'as jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, t'as qu'un moyen, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, t'as qu'un moyen pour connaître ses noms et ses attributs, c'est As-sam'a. Aïe, non, sous le kitab ou As-sunnah. T'as que ça. Yalla, t'as jamais vu Allah. Il te reste que An-nusus. Il te reste que ça. Allah, il a affirmé dans le Coran, matalan, que parmi ses noms, Al-Aziz, on dit min asma'i al-Aziz. Ou son prophète alayhi salam, il est appuyé par la révélation, il affirme an Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms, matalan ar-Rafiq, on dit min asma'i Allah ar-Rafiq. Wa la natajawaz hada. On dépasse pas hada. Wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsahu. Wa al-muhaqqiq al-Ahkamal waffaqahu Allah ila cité des paroles de savants fil hashiya. قال أقوال أئمة السنة أي في هذه القاعدة قال الإمام الشافعي رحمه الله لله تعالى الأسماء والصفات جاء بها في الكتاب وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسع لأحد من خلق الله تعالى قامة الحجة عليه ردها هذا كلام الإمام الشافعي الشاهد منه ما جاء في الكتاب وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم personne a le droit si y a un dalil من الكتاب أو من السنة de rejeter que ça soit un nom un attribut أو autre chose من دين الله عز وجل لا يجوز وقال الإمام أحمد ولا معلوم إلا بما وصف به نفسه أي أنت تبض علم parce qu'il concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, illa ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran en son prophète dans la sunna. Amma ghayr dhalik tabad ilm fi hadha. Qala wa la yablugh al-wasifun sifatah wa la yuta'adda al-Quran wal-hadith. Fa naqul kama qal wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah wa la yuta'adda dhalik aw wa la yata'adda dhalik. Na'am. ونصفه بما وصف به نفسه. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a montré comme nom et attribut, enfin on l'affirme, on rejette pas. Voilà, yata'adda dhalik. Et on dépasse pas les limites, abadan. وقال الإمام الدارمي رحمه الله ونصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معتقد السلف. Il a cité ces trois kalam. أما كلام الأئمة في هذا كثير جدا. إجماع العلماء. إجماع العلماء أن الأسماء والصفات توقيفية. أي علماء الحديث. علماء السنة. فهذه القاعدة للسم. أسماء الله تعالى توقيفية. توقيفية أي لا يتجاوز الكتاب والسنة. ما جاء في الكتاب أو في السنة الصحيحة نثبته. قال الشيخ ابن عثيمين قال وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. سكيت الكتاب تلفظ بلا زيادة ولا نقص. قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. أن العقل il peut pas connaître, il peut pas s'imaginer les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. أبدا. On avait cité كلام شيخ الإسلام ابن تيمية غير مرة. إدراك الشيء أي concevoir une chose لابد من إحدى ثلاث. إما تفي cette chose, Emma, tu as vu cette chose, tu pourras la décrire. Matalan, tu vois ce livre, tu peux le décrire là. Ton aql, yudrik hadha al-amr, lianna, tu le vois. Fi haqqillah, hadha c'est mumtani'. Fi dunya. Personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Thaniyan, on avait cité la deuxième chose, anna al-aql yudrik al-shay bi ru'yat al-mithl. Al-aql, il arrive à décrire une chose s'il voit un semblable. Matalan, je te demande de décrire ce livre et je te montre le semblable. C'est le même. Enfin, si tu décris celui-là, c'est que tu as décrit celui-là. هذا في حق الله اسم ممتنع. كذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui ressemble. بقي الثالث c'est l'ikhbar. L'information. Je t'informe d'une chose. Je te dis, j'ai vu dans la rue maintenant une maison et je la décris. Anta, si on te demande comment elle est cette maison, tu pourras citer l'information que je t'ai rapportée. Tu vas dire, on m'a rapporté que cette maison, et tu vas citer. C'est ça la qaïda al-an, ce troisième point. Anna Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an, wa rasoulahu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnah, ils ont cité des noms et des attributs d'Allah azza wa jalla. Anta, tu rapportes ces noms et ces attributs. Et tu t'arrêtes ici. Et là, t'as pas d'autre chose. T'as pas d'autre chose. Comment ta raison, elle va décrire une chose qu'elle n'a jamais vue. Elle ne peut pas concevoir. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. قال فوجب الوقوف بذلك على النص. Ce عقل, cette raison, elle ne peut pas concevoir, elle ne peut pas s'imaginer, elle ne peut pas décrire. Il te reste une chose, les textes. Ce qu'il y a dans les textes, tu le cites. Ce qu'il n'y a pas dans les textes, voilà. قال لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز الكلام على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فبالغض parler sans علم. فما بالك في حق الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم الله سبحانه وتعالى dans le verset il montre أن tu seras interrogé. Si tu parles sans ilm, tu seras interrogé. Celui qui nie les noms et les attributs bila ilm, il va être interrogé. Celui qui attribue à Allah des noms et des attributs que Allah ne s'est pas attribué dans le Coran et la Sunna, il sera interrogé. Pourquoi tu as parlé sans ilm? La personne, bab salama, s'il ne sait pas, il se tait. Wa yatlub al-ilm. Et il fait des efforts. Qala wa qawluhu قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتأمل أن أبقى وقصد الشرك إلى الستة le fait de parler sans ilm wa an taqulu ala Allah, je parle sans ilm sur Allah bila ilm, ça c'est parmi les plus grands péchés wal iyad billah, لأن le fait de parler ala Allah bila ilm ça peut te conduire au kufr et au shirk. انظر وتامل النصارى قاتلهم الله تكلموا ala Allah subhanahu wa ta'ala bila ilm حتى ils ont attribué un enfant, c'est du kufr, c'est du shirk billah. D'où c'est venu هذا القول على الله بلا علم. شيخ العثيمين ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. الجناية سان كريم. Celui qui attribue un nom à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne s'est pas donné. Ou l'inverse. Allah il a cité un nom في القرآن أو في السنة et il le nie. هذا il a fait جناية في حق الله تعالى. C'est un طعن في رب العالمين. Il contredit Allah. قال فوجب السلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. Il conseille الآن المسلمين. C'est obligatoire الآن d'avoir un bon comportement مع رب العالمين. On a déjà cité plusieurs fois أن بعض الناس. Il conseille المسلمين في الأدب. Et il cite souvent الأدب بين المخلوقات. Et ça c'est طيب. Hey, tu dois respecter ton voisin, tu dois respecter tes parents, tu dois respecter ton cheikh, tu dois respecter, tu dois avoir de la miséricorde pour le petit, tu dois respecter le plus grand. Ça c'est tayyib. Lakin il ne faut pas oublier هذا الأدب مع رب العالمين. Ça c'est أعظم الأدب. لأن si tu te comportes bien avec la créature et t'as un mauvais adab avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut te faire sortir de l'islam. Et ton comportement avec les créatures, il ne te sera d'aucune utilité. كذلك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاتباع للسويف ومحبته لمي والدفاع عنه. فالأدب c'est pas qu'avec les autres. بعض الضلال ils ont mis l'adab, ils citent que l'adab avec الكفار. Ils appuient beaucoup sur هذا. Il n'y a pas que ce adab. Parmi le adab كذلك c'est détester les كفار. Pourquoi tu le cites pas? لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Ça c'est parmi أعظم الأدب détester le كفار والكفر. La personne s'il connaît bien sa عقيدة inshallah ça va lui ouvrir les portes في الأدب وفي غير الأدب. انظر الآن وإذا كتبت عقيدة est une فائدة عظيمة في الأدب. الأدب مع الله. Enfin, c'est pour ça que tu vois que ceux qui étudient pas l'aqida, ils t'achabatoune. Il n'a pas ces bases qu'on a citées dans le Muqaddima, le Kalam d'Ibn al-Qayyim. Ils l'ont plus. Il t'achabat. Il peut passer sa vie à appeler au comportement avec les juifs et les chrétiens. Et il n'appelle pas au adab sahih, là. Il appelle à al-mawadda, à les aimer l'akhir. C'est pas un adab ça, c'est min al-dhalal, al-mubin. Bien Allah, il a informé un croyant, il ne peut pas aimer le kuffar. Enfin, la personne, il base tout son din sur l'aqida. Ce que l'aqida elle accepte, on l'accepte. Ce qu'elle rejette, on le rejette. Léana l'aqida elle est fondée sur le kitab et la sunna. Et cette qaïda, asma'ullah ta'ala tawqiviya, aïe, le kitab et la sunna. Enfin, on ne dépasse pas hada. Qu'on le chouk l'adhimin, rahimahullah. Au début de la qaïda, asma'ullah ta'ala tawqiviya, la majali l'aql viya, ça ne veut pas dire que l'aql il accepte pas ses noms. Abadan. Il n'y a pas de place pour l'aql. Aïe min hayt al-ithbat wa al-nafi. Amma accepter, la chèque que celui qui a la fitra, il accepte. Page 44, hachia numéro 2. Qal shoukh al-Uthaymeen, rahimahullah, inna al-aql la madkhallahu bil asma'i wa al-sifat. Lianna al-kalam il est min sharh al-wasitiyya. لأن مدار إثبات الأسماء والصفات على السمع والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما إلى ستلزة أدلة ولله المثل الأعلى أفمن يخلق كمن لا يخلق تسع ستخبئي العقل. فقد يقول قائل العقل لا أغل العقل لا أغل شيخ ابن تيمين قال والجواب يقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال. نعم rejette pas les noms et attributs. فالعقل il accepte que Allah il a des attributs parfaits. لكن التفصيل dire cet attribut ou ce nom, فالعقل il pourra pas le trouver. ابدا. Maintenant, tu demandes à un musulman, est-ce qu'Allah il a des attributs parfaits? Ou alors il a jamais étudié? Il va te dire na'am. Na'am, parce qu'Allah il est parfait. Tu lui dis, est-ce qu'Allah il a des défauts? Il va te dire là. C'est son aql, hein. Amma, si tu lui demandes des détails, cite-moi des noms et des attributs, rubbama il ne les connaîtra pas. Limadha li anna il ne connaît pas le kitab ou le sunnah. فالعقل il accepte هذا من حيث الإجمال فهذا فكمprend pas أن العقل il accepte pas. لا العقل السليم il accepte القرآن والسنة لكن les détails فلا بد من علم. على كل حال نحن في باب الإثبات هنا أو النفي في الأسماء فالعقل il peut pas attribuer أو nier أبدا. Tu reviens au texte. Si un texte t'affirme, si le texte il affirme, si le texte il nie la chose, tu nies. Wahakada. Cette qaïda, elle est sahla et on l'avait déjà vu fi Sharh al-Lum'a. Qala rahimahullah al-qaïda al-sadisa. La sixième règle. Qala asma'ullahi ta'ala ghayr mahsoura bi'adad mu'ayyan. Hada madhhab ahl al-haq. Anna asma'ullahi ghayr mahsoura bi'adad mu'ayyan. Aynu. En tant que serviteur, créature, on ne connaît pas le nombre des noms d'Allah Azza wa Jalla. Et on ne peut pas limiter. On dit Allah, il n'a que 99 noms. Allah, il n'a que 100 noms. Allah, il n'a que 1000 noms. Allah a'lam bidhalik. Comme il va expliquer chez Ibn Uthaymi. Mahsoura, ça vient de l'hasr. Aïe, limiter une chose. Qala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith al-mashhur. Qala fil hadith akhrajahu l'imam Ahmed wa Abu Ya'la. الحديث اللي صحيح اللي معروف قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال شيخنا تيمين الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. سساء الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فس دعاء أسألك بكل اسم هو لك تستفيد أولا الله إلى دينه فصل دليل كم كوا الله إلى دينه واضح. قال سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أي البروفيت صلى الله عليه وسلم الآن يدمض الله بخصينه. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت ساء الانفراد بالعلم أي يك الله كي كونه ست شوز. فالبروفيت صلى الله عليه وسلم il a demandé par les noms d'Allah qu'il a enseigné à une de ses créatures أو il a montré dans le Coran أو les noms كذلك que personne connaît à part lui. Ça montre qu'il y a des noms qu'il y a qu'Allah qui connaît. Enfin, comment tu peux limiter cette chose? Ma tastatir. Léana, si on demande le nombre de ces noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a montré à personne, tu ne peux pas dire 1000, tu ne peux pas dire 100, tu ne peux pas dire 10. Si tu réponds, tu parles à Allah bila ilm. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Léana, si on demande le dalil, maintenant une personne il dit il y a 100 noms que Allah il a montré à personne. On lui dit qui c'est qui t'a informé? C'est quoi ton dalil? D'où il vient ce kalam? Il ne pourra pas répondre. Qala fa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Cheikh Mu'taymin il a cité le dalil que les nombres d'Allah ils ne sont pas limités dans un nombre que tu vas connaître anta. Il n'y a qu'Allah qui connaît le nombre. Il n'y a qu'Allah qui connaît le nombre de ces noms. Amma nahnu, on connaît les noms qui sont dans le kitab ou le sunnah et on sait qu'il y a des autres noms. Il y en a, le Rasoul, il a informé à Allah, il y a des noms, il les a montrés à personne. Al-An, Cheikh Mu'taymin, il cite le hadith d'Abi Huraira al-Ma'ruf, al-Mashhur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Celui qui les mémorise, dakhala al-Jannah. Et nous, on avait expliqué في مقدمة اللمعة توجيه هذا الحديث. فعندما qui c'est qui va nous expliquer توجيه هذا الحديث أي par rapport au premier. Et l'autre hadith il y a un fil الزياد كما تذكر في الحديث دو رابور على الاوتر حديث لماذا فهذا العدد المذكور هنا 99 c'est pour celui qui a appris ce adat si tu les apprends et tu les appliques inshallah la personne y rentre dans le jannah est-ce que ça contredit le hadith là là لان on sait qu'Allah il a plus de 99 comme Cheikh Ibn Taymiyyah il va citer des noms il va citer plus de 100 parce que hadith il montre qu'il y a celui qui apprend 99 noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal Inch'Allah il rentre dans le jannah s'il les applique et l'autre hadith il montre que Allah il a beaucoup de noms plusieurs noms plus que 99 bila shak wa la ray fahada qala Cheikh Ibn Taymiyyah fala yadul ala hasul al asma bi hadha al adad لان la qa'ida la règle c'est que les noms d'Allah ils sont pas limités dans un nombre connu pour nous ce hadith il cite un nombre Allah il a 99 noms Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ça montre pas qu'ils sont limités à 99 là celui qui connaît les 99 il aura cette récompense est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres noms la chaque qu'il y a des autres noms قال Cheikh Ibn Taymiyyah ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة si le prophète il aurait voulu montrer le hasr est limité limiter les noms d'Allah qu'à 99 il n'aurait pas dit inna lillah les anna inna lillah tu comprends est parmi les noms d'Allah la bonne traduction c'est que tu montres anna parmi les noms d'Allah il y a 99 si il traduit Allah il a que 99 c'est grave les anna le hadith c'est pas inna asma illah inna asma Allah plutôt c'est pas ça abadan le hadith c'est inna lillah aïe parmi les noms d'Allah 99 celui qui les apprend il rentre fil jannah et là je sais qu'il y a beaucoup plus de noms قال شمل يتيمي او نحو ذلك اذن فمعنى الحديث ان هذا العدد من شأنه ان من احصاه دخل الجنة celui qui connaît 99 noms par cœur et il les applique فهذا بإذن الله sa récompense il rentre fil jannah et ça implique pas qu'il y a que 99 noms الشيخ ابن عثيمين فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة قبلها أو لما قبلها نعم سين جملة كي تخسيز لديبو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما الله إلى 99 tu t'arrêtes pas là لأن la fin du hadith elle explique le début من أحصاها دخل الجنة أي ces 99 qui ont été cités celui qui les connaît rentre dans le jannah enfin une personne il peut connaître plus de 99 une personne matalan il peut en connaître 102 103 105 110 qui sont cités dans le Coran ou la Sunnah هذا لكن la récompense elle est à partir de 99 si tu arrives à 99 fa inshallah tu es concerné par la récompense قال وليست مستقلة نعم ليست مستقلة اي le hadith il a un début et une fin et le début tu le comprends avec la fin inna lillahi 99 semaine si tu t'arrêtes là une personne il peut comprendre Allah il a 99 noms là لأن le hadith il te montre une récompense qui est liée à un nombre si tu as ce nombre tu as la récompense fala bout de lire et de comprendre tout le hadith amma ba'd an-nas ils ont lu le début du hadith wa ashkala alayhim ils ont dit Allah il a que 99 noms là ça c'est pas fahm ahl al-ilm abadan qala wa nadhir hadha أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة et ça c'est un مثال واضح une personne il dit j'ai 100 درهم أو 100 ريال أو المهم une somme أعددتها للصدقة est-ce que ça veut dire que ça son capital ou sa fortune c'est que 100 rial ou 100 euros ou lakin ce nombre il est pour cette chose probablement il a des milliers de dirhams chez lui en fait tu dois bien comprendre que le adad هنا le nombre il est cité avec une chose maintenant en fait tu dis j'ai 10 000 rial pour des travaux ces 10 000 rials tu les as réservés pour faire des travaux ça ne veut pas dire que tu n'as que 10 000 rials ah ben tu as 10 000 rials pour manger tu as 10 000 rials pour acheter des livres voilà que ça c'est clair Inch'Allah et l'ihsa من أحصاها. المذكور في الحديث c'est pas مجرد الحفظ. Celui qui connaît ou qui apprend par cœur 99 noms, il rentre fil Jannah. C'est pas مجرد حفظ. Il a cité des أقوال في الحاشية. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité في البدائع أن مراتب الإحصاء ثلاث. أي الإحصاء, nous on peut traduire par mémoriser. Ibn al-Qayyim il a montré أن هذا الإحصاء ça va être trois étapes. قال الأولى أحصاها بألفاظها وعدها. أولا il a mémorisé par cœur 99 noms. Il peut te citer 99. Il les connaît par cœur. Des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. قال الثانية فهم معناها ومدلولها. Deuxième chose, comprendre le sens de ce nom. مثلا التواب من أسماء الله. La personne, il l'a appris par cœur. Il sait que من أسماء الله التواب. كذلك, c'est le sens. أن الله سبحانه وتعالى il accepte le repentir de son serviteur. Troisième chose, قال دعاؤه بها. دعاء مسألة ودعاء عبادة. Troisième chose, il demande à Allah par ce nom. كذلك, دعاء عبادة. دعاء عبادة, أي il applique مقتضى هذا الاسم. مثلا, il sait que Allah c'est التواب. S'il fait un péché, il fait tawba. Il sait qu'Allah c'est Al-Ilah. Min asma'ihi Allah wa Al-Ilah. Il l'adore seul. Ma ba'alu quand une personne, il apprend par cœur les 99 noms et il fait du shirk billah azza wa jal. Est-ce que ça va lui être d'une utilité? Hada il est min ahli nar. S'il meurt à la shirk l'akbar. Ou alors il connaît 99 ou plus. Fal murad, c'est de les apprendre par cœur, connaître le sens et les appliquer. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, du'a mas'ala ou ibada, comme on l'a expliqué dans la première qa'ida. Hada c'est un kalam nafis, kalam ibn al-qayyim, rahimahullah. Bada'i' al-fawa'id. Ça montre l'importance de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il va les citer. Et on essaiera de donner une explication brève, inshallah. Cheikh Ibn Uthaymeen, قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. Tu trouves des hadiths des fois, ils vont citer في الحاشية أظن. Tu trouves des hadiths parfois, أو ce hadith, hadith أبي هريرة, إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. Thomas, tu trouves les noms, ils sont cités. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qadir, jusqu'à la fin. Et ils citent 99 noms. Ça, c'est certains rapporteurs du hadith, ils ont cité le hadith sahih, et après, ils ont cité des noms. Le prophète, il les a jamais cités. Enfin, le prophète, il n'a pas cité une liste de noms. 99. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. قال في الحاشية وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة ولم يصح ففي إسناده عند الترمذي وابن حبان الوليد بن مسلم وهو مدلس يدلس التسوية واشترط أن يصرح في دبقة السند. نعم إلى ضعيف الوليد سامدلس إلى ضعيف إلى ستة لعلل علل الحديث. على كل حال, le fait de citer une liste de noms après le hadith, ça ne vient pas de la parole du prophète. C'est Moudraj. C'est certains rapporteurs de hadith, ils ont cité des noms après le hadith. Amma la parole du prophète, elle s'arrête à Man ahsaha dakhal al jannah. قال والحديث المروي عن في تعيينها ضعيف. شيخ ابن تيمية لا سيتي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. نعم. L'unanimité des muhaddiths que le fait de citer la liste des 99 noms après le hadith d'Abi Huraira, c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. أولا, نحن on a compris حصرها على هذا العدد أي 99, c'est pas صحيح. ثانيا, on a dit, première chose, ils ne sont pas limités. Deuxièmement, le fait de citer une liste après le hadith, ce n'est pas la parole du prophète. Il y en a rien dans certains livres, tu trouves le hadith de Abu Huraira et la liste des noms juste après. Si tu lis, tu penses que c'est le prophète qui a cité ces noms-là. Hatta dans ces noms, il y a des noms, ils sont daïfs. Il n'y a pas d'alim dans le kitab ou dans le sunnah. ولما لم يصح تعيينه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك انواع. الشيخ ابن عثيمين va citer هو des noms في القران et في السنه et ils vont citer 99. faut pas comprendre que Cheikh Uthaymin il croit que les noms ils sont 99. Là, il a cité la aqid, il a cité la qaïda. Anna, c'est pas limité. Lakin, il va citer 99 noms sahiha, min al Qur'an ou min al Sunnah. Ou la plupart ils sont sahih. Il y a des choses, on verra des noms, l'ulama khtalafou. Al-Mouhim, Cheikh Uthaymin, il t'a cité une liste de noms, hatta si tu veux appliquer le hadith. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها دخل الجنة. Celui qui les apprend par cœur, il les mémorise et il les applique, il rentre dans le jannah. Et نحن إن شاء الله on essaiera de rajouter des noms que Cheikh Ibn Uthaymin l'a pas cité, حتى on prouve que dans le Coran et dans le Sunna il y a plus de 99. Et الإجماع على هذا, l'unanimité des savants de la Sunna on l'a dit. قال وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي. مما ظهر لي من كتاب الله تعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كتاب الله تعالى شيخ ابن عثيمين il a rassemblé 99 noms du Coran et de la Sunna. قال الأول الله لفظ الجلالة الاسم الأعظم على الصحيح والأدلة كثيرة في هذا. Beaucoup de versets du Coran ils montrent اسم الله عز وجل ومعناه معنى هذا الاسم الله أي ذو الألوهية المستحق للعبادة وحده. C'est ça le sens de Allah. Il l'a cité هنا معناه قال ذو الألوهية المستحق للألوهية والعبادة. فالسلوي qui croit en Allah عز وجل et il sait que parmi ses noms Allah et il veut rentrer dans le hadith apprendre les noms pour rentrer في الجنة أولا le premier nom Allah il doit adorer Allah seul. Deuxième nom, Al-Ahad. قال عز وجل قل هو الله أحد. Ça vient de واحد, أي l'unique, عز وجل. معناه هو الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحب ولا ولد ولا شريك ولم يسبقه في أوليته شيء عز وجل. أي il est unique في أسمائه في صفاته. Il est unique في العبادة. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Al-Ahad, عز وجل. On a dit قولوا عز وجل سبح اسم ربك الأعلى والأعلى ça vient de العلو. قال الأعلى على وزن أفعل التفضيل مثل الأكرم والأكبر. Ça montre qu'il n'y a rien au-dessus d'Allah عز وجل. Ça vient de العلو et c'est على وزن أفعل أي أعلى. Il n'y a rien au-dessus d'Allah سبحانه وتعالى. Et في الحديث سبحان ربي الأعلى. Ça c'est un dalil من السنة سبحان ربي الأعلى. Et la cité في الحاشية حديث حذيفة رضي الله عنه. قال الرابع الاسم الرابع الأكرم. قال الله تعالى اقرأ وربك الأكرم. Ça c'est الدليل من القرآن اقرأ وربك الأكرم. قال معناه الأكرم أي الكريم. Ça ressemble à Al-Karim. Lakin, c'est un wazn kadhalik af'al. Et il n'y a pas plus Karim qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'akram. Qala al-khamis al-ilah. Cinquième nom, al-ilah. Qala, azza wa jal, innama Allahu ilahun wahid. Qala ma'naah, huwa al-ma'luh, al-ma'bud, dhu al-uluhiyya, huwa al-ubudiyya ala khalqihi ajma'i. Al-ilah, c'est celui qui mérite l'adoration seul. Et demain, بإذن الله, ou samedi, on finit cette liste de noms, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.